Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide du voyage, c'est qui ou quoi, une demi-heure pour vous parler de livres en tout genre, à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher, ou demain à n'importe quelle heure de la journée, à Saint-Thé, à Strasbourg ou même à Nîmes. Aujourd'hui, il y a un lien entre tous les livres dont je vais vous parler. Et le lien, c'est le rap. Parce que ben, le rap, en fait, c'est bien. Donc, en fait, je vais vous expliquer pourquoi moi, je trouve ça bien. En fait, pour ça, je vais vous parler un peu de moi. De mon parcours d'auditeur. En fait, j'ai un peu plus de 40 ans, voilà, bon, ben, ça c'est dit. Et le premier disque que j'ai acheté, c'est un disque de Public Enemy, un des groupes de rap parmi les plus importants de l'histoire de ce genre. Et j'étais en cinquième. Ce disque, c'est Fear of a Black Planet, et c'est pas rien de dire qu'il m'accompagne encore aujourd'hui. Je viens de trouver le bouton pour mettre la musique de fond, c'est pour ça, excusez-moi. Pour le coup, j'en étais où ? Oui, donc j'ai acheté Fear of a Black Planet de Public Enemy en 5e et le 10 m'accompagne encore aujourd'hui. À l'époque, j'étais trop jeune pour avoir connu le punk, je savais même pas ce que c'était, ou encore le rock alternatif qui se résumait à la Mano Negra ou à Noir Désir à la télé. Et c'est ma grande sœur qui un jour a acheté la cassette de 3 Feet High and Rising, le premier album de La Soul. Et moi, je ne me souviens absolument pas pourquoi, mais dans la foulée, j'ai acheté la cassette de Public Enemy, 35 francs, et pour le coup, j'ai embarqué dans le train du rap. Comme j'étais bien trop jeune pour sortir et que le rap, pour moi, c'était ben, juste une liste de noms, issu du livret du disque de Public Enemy, dans lequel il cite quasiment l'intégralité des groupes de rap de l'époque. Je me souviens que pour le coup, je la réécrivais par cœur en cours quand je m'ennuyais. Bref, je suis de cette génération qui est tombée dans le rap juste avant ce qu'on appelle apparemment l'âge d'or du rap, qui correspond aux années 90. Et même si après, je me suis largement éloigné du rap, parce que j'avais découvert le rock indé, Bernard Lenoir et puis pour le coup le punk, je suis toujours à l'affût d'un bon disque de rap et ça fait maintenant bien 10 ans que je suis revenu à en écouter bien régulièrement. Il y a toujours autant de trucs dedans qui me plaisent et je ne peux que constater que, malheureusement, pour une grosse partie des gens de ma génération, le rap reste caricatural, un peu comme Robert Charlebois ou Nagui qui ont caricaturé le rap dans un fameux taratata. Et en fait, le rap, c'est bien plus que ça. Et donc ce soir, on va parler de livres qui parlent de rap. Le premier livre dont je vais vous parler, il est sorti il y a 2 mois environ, et ça s'appelle « Il y a toujours un lendemain » de Ekwe et Amé, deux des rappeurs du groupe La Rumeur, et c'est sorti aux éditions de l'Observatoire. La Rumeur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des meilleurs groupes de rap en France. Et disons-le franchement, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, c'était tout simplement les meilleurs. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait quand même 10 ans. 10 ans qu'ils ont petit à petit laissé la place à d'autres. Je vais revenir un peu sur ma liaison avec la Rumeur. La première fois que j'ai vu La Rumeur, c'était en 2003 à Montreuil. Ça avait été un peu plus qu'une révélation. Toujours dans l'anecdote personnelle, à l'époque, j'avais arrêté d'écouter du rap depuis bien longtemps. Et quand j'ai commencé à entendre parler de La Rumeur, au début des années 2000, il n'y avait pas de visage sur les pochettes, des textes hyper forts et revendicatifs, et particulièrement politiques. On ne savait pas qui c'était, mais les mecs, c'était pas des rigolos. Ils n'étaient pas là pour te faire danser, et en plus, ils avaient fait des études. C'est vraiment comme ça qu'on en avait parlé, mais bon, ça fait un peu rêver. Donc en 2003, La Rumeur venait de sortir leur premier album, L'Ombre sur la Mesure. Et je vais les voir en concert. Pour le coup, on s'était fadé une première partie d'un groupe local où les mecs avaient passé leur temps à gueuler dans le micro sans qu'on comprenne rien. Et puis, ben, arrive le changement de plateau. une seule lumière au fond de la scène, et puis l'instru qui commence, le franc-tireur. Le franc-tireur par Amé. Amé qui débarque avec sa capuche, on voyait pas son visage, juste une lumière blanche qui l'éclaire dans son dos et il commence à rapper. C'est le morceau qu'on entend là. Ceux qui en récoltent la poussière, ceux qui suivent la cadence, ceux qui entrent en dissidence, ceux qui niquent tout en crevé. Et il énumère le monde, ceux qui subissent, ceux qui en profitent, ceux qui restent à la traîne parce que d'autres avancent trop vite, etc. Et là, malgré l'instru, qui avait un son énorme, on comprenait tout. Mais tout jusqu'aux deux dernières phrases du morceau. Je ne veux pas vous passer le morceau en entier, mais c'est juste « Et parce que ce putain de monde existe, j'ai choisi mon camp et pratique le hors-piste. » Autant vous dire que rien que d'en parler, j'ai des frissons dans le dos. Après, les trois autres membres du groupe ont débarqué et le concert est resté vraiment de ce niveau. Comme je l'ai dit, non seulement on comprenait tout hyper distinctement, mais en plus les paroles étaient d'une force que je n'avais jamais vue autre part. Et ce concert m'a carrément chamboulé. Depuis, je les ai suivis. Je les ai vus en concert dès que c'était possible, acheter tous leurs disques, et puis après, ils ont dû faire face à Nicolas Sarkozy qui leur a collé un procès qui a duré super longtemps. Ensuite, ils ont fait une espèce de pause. Amé est parti aux USA faire des études de cinéma. Ekwe et le Bavard ont fait des street tapes en mode street credibility. Mourad a quitté le groupe, etc. Amé est revenu en France. Il a monté un autre groupe avec Kazé, qui elle pour le coup est la meilleure rappeuse française. Et puis en fait, ce groupe là, il a tourné en autre boudin. Ils sont revenus juste à trois. Et la rumeur a sorti un album pas très intéressant à mon sens, en mode ouais, on est les meilleurs de toute façon. Et puis en fait, ils se sont un peu épuisés musicalement. Et aujourd'hui, ils ont fini par se tourner vers le cinéma. Donc le cinéma, mais aussi un livre, ce livre qui est sorti. Donc quand il est sorti, j'étais plus que curieux. Je me demandais vraiment ce qu'il allait y avoir dedans. J'avais vraiment très envie qu'il parle de tout ce que je savais pas. D'où ils viennent, ce qui a marché selon eux, ce qui n'a pas marché, etc. Moi, je suis un gros consommateur de livres sur la musique et j'avoue avoir lu pas mal d'autobiographies de musiciens. La Matrice restera sûrement à jamais le livre The Dirt de Motley Crue qui se déguste entre anecdotes rock'n'roll, histoire du groupe et trajectoire personnelle. Et c'est ça que je voulais. D'où ils viennent, la rumeur, comment ils se sont rencontrés, des anecdotes, des points forts. Et ils partent de tout ça, mais avec moi, en fait, la sauce a pas pris. Et j'avoue que la déception est un peu au rendez-vous. Pas à la hauteur de l'amour que je leur porte, mais en même temps, c'est lié. J'aurais tellement voulu que ce soit aussi fort que ce premier concert où je les ai vus. Dans le livre, chaque chapitre est écrit alternativement par Ekwe ou Amé, et chaque chapitre est séparé par les paroles d'une chanson. Donc le livre se déroule de manière chronologique, mais autant la construction du livre, où chacun a un chapitre, se justifie quand ils évoquent leurs enfances respectives, autant ça devient redondant et bizarrement superficiel quand ils abordent la carrière de la rumeur. Même si c'est intéressant d'avoir des points de vue différents sur un même événement, là, la sauce ne prend pas, et c'est un peu comme si on avait deux livres différents dans un seul. Autant l'alchimie Ekwe et Amé fonctionne sur disque et dans leur film, autant dans ce livre, je trouve que ça ne fonctionne pas. En fait, ils se bouffent la place l'un l'autre. Chaque point sur lesquels moi je les attendais sont en général super vite balayés. Le Bavard et le Paria, donc Philippe et Mourad du groupe de la rumeur, sont à peine évoqués, comme s'ils n'étaient pas importants dans l'histoire du groupe. Et ça, c'est un peu dur, je trouve. Autre chose, je pensais qu'ils parleraient un peu de leur lien avec Kazé et le crew en falche. Et il y a quand même un morceau sur un disque de la rumeur dans lequel ils disent, avec justement Kazé, que Kazé, la rumeur, c'est la famille pour la vie, etc. Et en fait, Kazé n'est même pas mentionné. Amé évoque son aventure avec Zone Libre et Kazé, et il écrit même pas son prénom. Après, en vrai, j'avoue que ça me regarde pas, mais quand deux de mes artistes préférés ne se parlent plus, ben en fait, ça me fait triste, et j'aurais aimé comprendre plutôt que constater. D- dernier point, depuis quelques années, la rumeur a un peu délaissé le rap pour faire du cinéma. Et même si j'apprécie leurs propositions cinématographiques, j'aurais bien voulu en savoir un peu plus quant à leur envie de cinéma, leurs influences, leurs références et tout ça. Mais bon, quand on lit le livre, en fait, on doit se contenter d'un « Depuis le début, avec la rumeur, on savait qu'on ferait du cinéma », couplé avec un « Je regarde des films pendant que je suis étudiant ». Un peu, c'est un peu léger, quoi. Au final, je me dis que ça doit être que je dois être un peu trop superficiel parce que, en fait, j'aurais aimé qu'Aimé, Kaku et Amé me racontent une histoire un peu en mode roman avec des personnages, des sentiments, de la vie. Et en fait, je me retrouve avec un exercice de style maîtrisé et de qualité, mais qui aborde de manière plutôt superficielle les sentiments qui traversent leur histoire. Dans les points positifs, parce qu'il y en a quand même, le livre raconte assez bien l'ascension d'un groupe de rap politique engagé dans les années 90-2000, avant l'avènement de YouTube qu'on voit aujourd'hui. Et franchement, je suis pas sûr qu'un groupe comme La Rumeur puisse émerger aujourd'hui. Donc on est bien chanceux qu'ils existent, et j'aimerais bien avoir leur avis là-dessus. Mais ils en parlent jamais dans aucune interview, et ils en parlent pas dans le livre non plus. J'ai cru lire dans plusieurs magazines que le livre avait pas mal plu. Moi, je suis plus circonspect. Mais comme je suis particulièrement fan du groupe, bah j'ai quand même dévoré le livre en deux jours, même si je le trouve largement anecdotique par rapport à leur disque ou à leur film. Je pense aussi que j'en attendais trop. Dernier point quand même, ça m'a permis d'appréhender un poil différemment leur travail cinématographique, mais surtout, ça m'a rappelé qui étaient vraiment les premiers sur le rap. La Rumeur, groupe qui milite depuis le début, aux antipodes de ces groupes de merde qui ont déçu et qui gèrent leur fin de carrière avec des godes dans le cul. Poète vandale, ok, coué, ne se travestit pas, orphelin dans ce milieu de putain, l'expatrié du coin te parle, cousin. Dans la palabre des infâmes pour que les esprits s'enflamment. Né prédateur d'accord, presque toujours isolé mais jamais muselé. Les couilles sur la table des négociations, avec les autres trous ducs que les playlists des radios ont transformé en eunuques. Ce fut écrit noir sur blanc, pédale, rachetez-vous au chaud, ne sortez plus sans votre gilet pare-balles. Plus rancunier qu'une rumeur, tu meurs. Combien de mecs se défroquent pour passer sur Skyrock? C'est une bien triste époque qui commence pour vous. Désormais la parole sera à des groupes comme nous. L'hérésie gangrène avec poésie, à chacun son fusil. Et même si le mal est fait, je n'écris qu'en mots lardants sur l'imposture que met. Quand la censure frappe de plein fouet, mon rap se braque, mes prescripteurs me raquent. J'ai sur ma liste encore incomplète le sort de la tête de journaliste de la presse P, bercé d'utopie, condamné à mort, fléau, au revoir leur copie. Comme le premier sur le rap, cette poignée non alignée qui commencera par buter. Rappeurs, DJ, producteurs zélés, regardant le ciel s'assombrir au-dessus de leur tête de traître. Nous sommes les premiers sur le rap, juste. Cette poignée non alignée qui commencera par buter. Rappeurs, DJ, producteurs zélés, regardant le ciel s'assombrir au-dessus de leur tête de traître. Ok, observe le BAVAR, un de ces damnés de la terre aux paroles incendiaires. Hier, sous le joug de la traite négrière, faut-il que je traite leur mère pour que ces putes s'affranchissent de la porte d'Anières? Aère les chiottes si tu viens de chier un gros cake, et laisse ton single de merde que je me torche le cul avec. Et fais courir le bruit que dans l'industrie du disque on fera queen et les truies. Je suis le musée des horreurs à moi tout seul, fillette. Demande à nos censeurs pourquoi ils flippent dans leur tête. Et toi baisse leur regard et ton falzard devant ton agent. Si tu te demandes où est passé l'argent pour lequel tu te prostitues, c'est dur, à qui le dis-tu? Décroche et prends cette dose comme substitut. Et puis passe-moi l'étoffe, la bouteille et l'essence, que je te montre comment ces enculés se balancent dans tous les sens. À l'aide de textes récrus dans son placard, bâtard, c'est la rumeur en extrait qui t'insulte exprès. La haine se lit dans les traits, t'annonce un sale futur. Et pour les traits, des points de suture. Nous prenons sur le rap. Cette poignée non alignée qui commencera par buter. Rappeurs, DJ, producteurs zélés, regardant le ciel s'assombrir au-dessus de leur tête de traître. Nous sommes les premiers sur le rap. Cette poignée non alignée qui commencera par buter. Rappeurs, DJ, producteurs zélés, regardant le ciel s'assombrir au-dessus de leur tête de traître. Yeah. C'était donc La Rumeur avec Nous sommes premiers sur. Racing. Woman, you better get yourself in this kitchen and fix me some food. Donc le second livre dont je vais vous parler, c'est le premier tome d'une BD qui s'appelle Hip Hop Family Tree de Ed Piscore et c'est chez Papaged. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais c'est dans l'air du temps, le rap en est à un point où on peut enfin faire des livres et des séries dans lesquelles on parle de ses débuts. Signe des temps l'année dernière, Netflix a essayé de lancer une série sur le thème, ça s'appelait The Get Down, ça a été un énorme four, c'était sympa mais sans plus, mais sauf qu'un peu avant, et de manière bien plus réussie, il y a Ed Piscore qui s'était lancé dans le même projet, mais en BD. The Hip Hop Family Tree va donc nous raconter la naissance du mouvement hip-hop. C'est un truc pas vraiment connu en fait. Ces moments où DJ Kool Herc à Manhattan s'est rendu compte que quand il mixait dans des soirées, certains passages des disques rendaient les gens complètement fous et qu'il a eu l'idée d'acheter deux fois le même disque et d'enchaîner ad lib ces passages pour maintenir les gens dans un état d'excitation avancée. Dans le même temps, comme il n'avait plus le temps d'ambiancer la salle et la foule, et il a demandé à un pote de faire le maître de cérémonie, etc., etc. Le rap était né. En fait, Ed Piscore documente l'effervescence artistique de cette époque qui a donné naissance à un des courants musicaux les plus importants aujourd'hui avec la musique électronique. Pour situer Ed Piscore, il avait fait ses gammes sur des épisodes d'American Splendor, une fameuse BD autobiographique d'Harvey Pekar qui fait figure de classique aujourd'hui. Pour moi, au premier abord, le dessin de Hip Hop Family Tree fait partie des points faibles du projet. Les personnages se ressemblent vraiment tous, et comme il est très influencé par les comics des années 60-70, Ed Piscore passe son temps à dessiner les rappeurs et autres DJ comme des super-héros. Et comme j'ai jamais vraiment adoré les comics de cette époque, je passe complètement à côté de ça. Autre point faible au départ, le côté hyper didactique de la BD. Le début est juste une énumération de noms particulièrement obscurs, et pour le coup, on est loin du but annoncé de retranscrire une ambiance et une époque. À titre de comparaison, là, pour le coup, The Get Down, la série de Netflix, était mieux réussie. Mais bon, au final, c'est quand même Ed Piscore qui gagne, et haut la main. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, au fil de la lecture, on sent qu'Ed Piscore est un vrai fan de ce rap-là, de cette période. Bon, j'avance un tout petit peu. Dans le tome 2, il y a une super intro de Charlie Ahern. Je sais pas comment ça se dit, je crois. Charlie Ahern, c'est le réalisateur du film Wild Style, tourné en 83 dans le Bronx. Je l'ai pas encore vu, mais il est souvent cité parce qu'il documente la période de l'intérieur, tourné dans le Bronx, au moment où le rap commençait à naître, etc. Un peu comme ce que souhaite faire Ed Piscore, sauf que lui, il veut retrouver la fraîcheur de l'époque et en faire une œuvre d'art de maintenant qui documente l'histoire. À l'époque, il n'y avait vraiment pas ce recul-là. Donc dans son intro, Charlie Ahern valide complètement la démarche d'Ed Piscore, jusque dans le fait que certains détails ne sont absolument pas vrais, mais bon, il dit ce qui compte, c'est le résultat. Et c'est vrai que passer un début un peu laborieux, on finit par la sentir, cette énergie. On finit par cerner les personnages, même si leurs caractères ne sont pas développés. Et en fait, c'est là que le traitement à la super-héros fait son œuvre. Enfin, c'est ce que moi j'ai trouvé. Parce que c'est comme des super-héros. À partir de leurs aventures, dessinées dans des poses pas possibles, on s'attache à eux et puis on les découvre petit à petit. Et puis leurs aventures extraordinaires finissent par former un destin fantastique. Comme des super-héros. Plus on lit la BD, plus l'intérêt augmente et plus on a envie d'écouter ce dont il parle. Et c'est là que le côté didactique de la BD devient une force, parce que pour le coup, à la fin, il y a carrément une discographie et un index des personnages cités, ce qui permet d'aller chercher les playlists Spotify qu'un geek anonyme a forcément faites. Et je vous jure qu'elles existent parce que je suis allé vérifier. Donc au final, tout ce que moi j'avais perçu au départ comme étant des faiblesses, eh ben en fait ça s'avère des forces. « Le premier tome couvre la période de la fin des années 70 jusqu'à 1981. Le second, la période de 81 à 83, et le troisième tome vient tout juste de sortir, un petit peu avant Noël. Il couvre la période 83-84. Comme je vous l'ai expliqué au début de l'émission, je suis quand même un peu le public type pour ce genre de BD, vu que mes premiers émois musicaux c'était du rap, et que je suis quand même curieux, mais je serais quand même curieux de savoir ce qu'en pense un de mes potes justement qui déteste le rap, qui trouve que c'est juste une accumulation de pauses non musicales. Donc pour le coup, je vais essayer de faire l'expérience, je vais enfermer un de ses potes dans une pièce, le forcer à lire le premier tome et voir comment il ressort. Je vous en reparlerai ici. En attendant, on va s'écouter un des derniers morceaux d'un rappeur de maintenant, pas du tout de l'époque, qui s'appelle Prodige, ça s'appelle Ari La H. On est très loin du grand Master Flash et de 1981, mais en fait, c'est comme ça aujourd'hui le rap. C'est parti. Ari La H, Ari l'enflure, Ari La H, l'affre Jojo, sa paire de baskets, son parka son poncho, il joue du schlass comme tu joues du bonjo, on le dit dans la crasse, un peu barjo, il se fond dans la masse, il n'aime pas les fachos, il en prend des marrons, distribue des pains chauds, il est sûr de lui-même ce que disent les pincos, il parle en verlan, il parle en argot, Ari La H n'aime pas les ragots, il est galant et un peu démago, il a des plans pour trouver le magot, on le dit repenti, ancien narco, anti-nanti ou bien mago, il n'aime pas les caresses, il n'aime pas les bécos, il préfère les gros culs chez des abricots, il n'aime pas les caresses, il n'aime pas les bécos, les béquets, les kékés, mais aussi les mythos. C'est un mec à l'ancienne, lui parle pas de tuito. Tu lui je t'aime, il fuit aussitôt. Ari La hache, elle phénoméno. Il a une brioche, pas d'abdominaux. Une bouteille de robe, une partie domino. C'est fou ce qu'il consomme depuis qu'il est minot. Il les cache, se jette à l'eau. Traiter les filles de cachalot. D'ailleurs, pour elle, ce n'est qu'un salaud. Ah, la main droite, souvent d'allô. Il aime le sale en guise de déco. Ouais, Timal, il vient du ghetto. Il a une équipe méchante comme Sarko. A jamais mis sur le déco. Ari La hache, Ari l'enflure. Ari La hache, vit à l'arrache. Il s'en bat la race, il connaît que la ruse. N'en crois pas que ça l'amuse, n'en crois pas que c'est la classe. Ari La hache, Ari La hache, Ari La hache, Ari La hache, Ari La hache, Ari La hache, Ari l'enflure, Ari La hache, vit à l'arrache, il s'en bat la race, il connaît que la ruse, n'en croit pas que ça l'amuse, n'en croit pas que c'est la classe. Ari La hache, Ari La hache, Ari La hache, Ari La hache, Ari. L'argent c'est son moteur. Il est au champ, tu peux le voir sur les champs avec Angélique dans une Mini Cooper. Ari La hache, Ari La hache, Ari La hache, Ari La hache, Ari. C'était donc Prodige et son morceau extrait du prochain album qui sort en début de l'année, Ari La hache. Le dernier livre dont je vais vous parler ce soir, c'est un livre d'Olivier Cachin et ça s'appelle Les 100 albums essentiels du rap. Et c'est sorti chez Scali il y a un bon moment maintenant. Olivier Cachin, c'est le journaliste historique du rap en France, le seul qui en parlait à la fin des années 80 et au début des années 90. C'est lui qui présentait l'émission Rapline sur M6 entre 90 et 93. Sorti du disque de Public Enemy, dont j'ai parlé dans l'intro de l'émission, c'est lui qui m'a fait découvrir NTM avant le premier album, IAM avant le premier album et Zebda avant le premier album. Mais bon, ça c'était pas obligé. Et je continue de me demander ce qu'il venait faire là, Zebda, entre un clip de Public Enemy et un autre d'NWA. Olivier Cachin, il a donc cette légitimité. C'est pour ça que ce livre, quand il est sorti, je me suis dit que c'était un peu la liste de référence. Le gars, il est super fan de Doc Gynéco, mais bon, ça valait quand même le coup d'essayer de le lire. Donc, comme le titre l'indique, le livre présente 100 disques de rap. Le format du livre, il est à peu près de la grandeur d'un disque vinyle, c'est un carré comme ça. Enfin, d'une pochette de disque vinyle, c'est un carré. Sur la page de droite, il y a la reproduction d'une pochette d'un disque, et sur la page de gauche, en vis-à-vis, la critique de disque. Chaque choix est largement justifié, et chaque critique de disque propose son lot d'anecdotes et autres faits marquants de l'histoire du rap. Ça se lit, en fait, comme une histoire du rap, mais à travers des critiques de disques. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant pour le coup, c'est justement le choix des disques. Comment on fait pour choisir 100 disques dans l'histoire du rap ? Moi, bon, mais c'est perso, ce que j'y vois, c'est l'influence que cette liste a eue sur moi via les choix que Olivier Cachin avait fait dans la ligne éditoriale de Rapline quand j'étais jeune et qu'on retrouve en filigrane dans la première partie de la sélection. Mais tout est largement discutable parce que moi, je ne choisirais pas le Nigger for Life de NWA comme lui fait, mais plutôt Straight Outta Compton. Et je te parle même pas des oublis sur la discographie des Beastie Boys, ou alors le disque de Third Base qui sort de je ne sais pas où. Forcément, pour un lecteur et auditeur qui a toujours écouté du rap, enfin, surtout au début, il y a des manques et des abus, mais bon. C'est la limite et la force de l'exercice, parce qu'en fait, tous ces livres qui proposent la liste ultime des disques dans un style particulier, déjà d'une, ces listes, franchement, ne peuvent pas être objectives. Et pourquoi se donner une limite d'ailleurs, 200, pourquoi pas 200 ? Et en plus, j'ai remarqué que plus il y a de livres qui proposent de listes, plus on trouve des listes qui vont se construire en réaction aux livres précédents. Autour de disques qui soi-disant sont des chefs-d'œuvre, mais qui sont carrément obscurs et qui auraient soi-disant changé la donne alors qu'ils ont dû être vendus à 10 exemplaires à l'époque, surtout que l'internet n'existait pas. Qui ou quoi, on a parlé donc de Il y a toujours un lendemain, d'Ekwe et Amé aux éditions de l'Observatoire, de Hip Hop Family Tree, bon, le premier tome des trois autres aussi, de Ed Peace Corps chez Papagélé, et des 100 albums essentiels du rap d'Olivier Cachin chez Scali. Je tenais juste à dire que le choix musical de l'émission a été horrible à faire, parce que franchement, choisir un morceau de la rumeur parmi d'autres, c'est une hérésie, que moi j'aurais adoré en passer plein d'autres, que je me lasserais jamais d'écouter la rumeur pour le coup, que vous avez acheté échappé aux Beastie Boys, à Public Enemy, mais bon, tout ça ce n'est que partie remise. On se retrouve donc dans 2 semaines pour une autre sélection de livres dont je vous parlerai sur Radio Duo. Merci à tous et bonne soirée.